Chapitre 11e, le complot. Le lendemain, grande nouvelle, bruit dans la maison, tintamarre à l'office, rire des mâles, pleurs des femelles. On avait vu dès le matin Léonie et Stéphane se parler sur le ton de gens qui ont des raisons pour se permettre des familiarités. On prétendait même que Léonie avait ri aux éclats avec le beau hussard. Les femmes de chambre tirèrent une conclusion aussi logique que méchante. Elles jugèrent que se quittant le soir, sans s'être pour ainsi dire parlé, les deux jeunes gens, pour être aussi bien à l'aube, devaient s'être entendus pendant la nuit. Et voilà les cancans de voler d'étage en étage, de se disperser partout comme une volée de canards sous un coup de fusil, les maîtres et les maîtresses sur quelque chose de cette affaire. Au déjeuner, Noël et moi. Le général dit devant tout le monde au docteur qu'il aurait bientôt à lui demander son assentiment pour le mariage de Stéphane et de Léonie. Le docteur Favel était pour brusquer les choses en amour. Il avait pour théorie, lui aussi, on s'aime du premier coup ou pas. On peut, il est vrai, se prendre de sympathie pour une femme. Mais alors, ce n'est que de l'amitié. La passion réelle est foudroyante. Dans ces conditions d'esprit, il trouvait tout naturel ce qui était arrivé. « Que Léonie écrive à ses parents, » dit-il. « Moi, j'approuve. » C'était chose dite par conséquent. Le maître d'hôtel donnait à chaque instant des détails aux gens de l'office. L'exaspération était au comble. On attendait avec impatience l'arrivée de Léonie et de Stéphane. Il tardait. Enfin, l'heure du déjeuner, des domestiques sonna. Toute la bataille se mit à table, et deux places vides, l'une à côté de l'autre, furent laissées par ordre du maître d'hôtel qui commandait à l'office. Léonie parut au bras de Stéphane à l'entrée de l'office. Il avait plus fière mine que jamais, et il regarda tout ce monde de femmes hostiles de telle sorte qu'il lui en imposa respect. De son côté, Léonie était rayonnante. La joie scintillait dans ses yeux. Elle triomphait d'une façon si éclatante qu'elle désarma toutes ses haines. Ce fut comme un écrasement. Stéphane fit galamment asseoir Léonie, prit place, salua tout le monde et dit lentement « Je crois que les situations nettes et franches sont les meilleures. J'ai donc l'honneur, mesdemoiselles et messieurs, de vous déclarer que mademoiselle Léonie accepte ma main et que nous allons nous marier. Bravo !» dirent les hommes. Les femmes se trouvèrent obligées de complimenter Léonie du bout des lèvres. Quant à l'attaquer, il n'y fallait pas songer. Le hussard la protégeait trop bien. Lorsqu'une femme sent le solide appui d'un homme, elle s'attache à lui comme la liane à l'arbre. Elle fait corps avec lui. Plus encore que la passion, l'orgueil et la reconnaissance rivèrent Léonie à son hussard. Le déjeuner se passa sans incident. Au dîner, Léonie parut, ayant fait autant de toilettes que sa condition le permettait. Mais elle avait au doigt une alliance et une bague ornée d'un brillant qui valait un billet de 1000 francs. Au cou, elle avait une chaîne et une croix en diamant. Enfin, elle portait une montre que le maître d'hôtel, un connaisseur, estima 800 francs, sans compter les breloques. C'étaient les cadeaux de prince faits par le hussard hongrois. Fanny en prit la jaunisse. Les autres femmes se consolèrent plus vite et se décidèrent par une réaction qui se produit toujours à faire leur cours à Léonie. Celle-ci tient rigueur aux plus méchantes et fit bon accueil aux autres. Ce soir-là, Stéphane payait du champagne pour célébrer ses fiançailles. C'en était fait, il épousait. La chose était acceptée de tout le monde, et en peu de jours, on s'habitua à cette idée. Les jours s'écoulèrent. Les nuits étaient radieuses pour Léonie. Chaque entrevue l'affolait davantage. Elle devenait plus que jamais la chose de Stéphane. Lorsqu'il se sentit en pleine possession de sa maîtresse, il lui fit peu à peu des révélations. Un jour, il lui avoua qu'il n'était pas hongrois. Une autre fois, il lui raconta l'histoire dramatique d'un bandit espagnol et lui demanda comment elle trouvait le héros de ses aventures. À son tour, elle lui confessa que ses frères avaient aussi détroussé les voyageurs en Catalogne et elle ne cacha pas qu'elle admirait fort l'homme dont il venait de raconter la vie. Il lui dit alors en souriant « Celui-là, c'est moi. » Au lieu de déchoir, il monta d'une coudée dans l'estime de cette fille. Il lui apprit lors que les bijoux qu'elle portait provenaient d'un vol commis à Madrid. Elle ne s'en émut pas autrement que de la crainte qu'ils ne fussent reconnus. « Ne t'en préoccupe pas, » dit-il. « Ces bijoux ont suffisamment changé d'aspect pour que le propriétaire ne les reconnaisse pas, à moins d'un examen très attentif. » Le chemin que faisait Léonie dans la voie fatale où elle s'était engagée était effrayant. En moins de 20 jours, elle en vint à ne plus avoir de conscience à elle. elle voulait ce qu'il voulait. Alors, il lui fit sa plus terrible confidence. C'était une nuit où il avait prodigué les baisers et les caresses, et l'un était épris au-delà de toute idée, et elle se mourait de plaisir dans ses bras. « Tu parais, fit-il, m'aimer tant que je veux tout te dire. Écoute-moi donc. Je fais partie d'une immense association qui a toujours en vue de grandes entreprises. Nous tuons, mais nous ne laissons pas trace de nos actes. Ceux que nous attaquons semblent frappés par hasard. Nous guidons le hasard. Nous dirigeons des accidents qui deviennent mortels. Aujourd'hui, quelqu'un nous gêne dans cette maison, et ce quelqu'un doit mourir. Qui est-ce ? Demanda-t-elle. Ta maîtresse, Mademoiselle Fernande ? Demanda-t-elle avec épouvante. Oui, elle, dit-il. Tu hésites ? Elle n'osait répondre. Il se leva d'un bond. Ah ! Tu me prends mes secrets. Tu dis m'aimer et tu me trahis. Tu vas mourir. Il avait tiré rapidement de sa botte un long couteau catalan. Elle n'eut ni crainte, ni regret, ni révolte. Elle s'était levée à son tour, mise à genoux devant lui, et elle lui dit. Avant de me frapper, pardonne-moi, que je meure contente. Tu as raison, je t'avais juré d'obéir. Tu consens donc maintenant ? Demanda-t-il. J'aimerais mieux mourir, mais si tu l'ordonnes, je tiendrai le serment que je t'ai fait d'obéir. Il jeta son couteau, la prit dans ses bras, lui donna 10 baisers et lui dit. Tu es une brave fille. Elle sanglotait. Calme-toi, fit-il. Il ne s'agit ni de poignard ni de poison, et tu n'auras que peu de choses à faire. Le docteur a coutume de recevoir d'un de ses anciens clients plusieurs voitures de bois et de bourrées qui viennent de Fontainebleau. « Oui, dit-elle, c'est un riche marchand de bois qui l'a sauvé et qui lui est reconnaissant. Le chargement est annoncé pour la semaine prochaine et on a préparé le bûcher. « Dieu, dit-il, tu vas voir combien peu de choses tu auras à faire et combien peu tu seras compromise. Tu sais que quelquefois une couleuvre ou une vipère est transportée à la ville par une bourrée. Les journaux font mention de cela. Il y a même eu des accidents. « J'ai entendu parler de cela, » dit-elle en frissonnant de terreur. Il n'y prit pas garde. « Tu n'auras qu'à placer dans le lit de ta maîtresse une vipère endormie. Je te jure sous notre amour que tu ne cours aucun danger de la part du reptile. Il aura avalé de l'opium. »« Ce n'est pas pour moi, » dit Léonie, dont les dents claquaient, « que je tremble. C'est pour Mademoiselle Fernande, qui est si douce. » Il est malheureux que les choses aient tourné de cette sorte, que tu sois obligé de causer la mort de cette jeune fille. Mais choisis entre elle et moi. Je suis poignardé si je n'accomplis pas ma tâche. Mes compagnons ne me font pas grâce. Ah, dit-elle, j'agirai. Mais elle sanglotait toujours. Il fit ce que les hommes savent faire en ce cas. Il sécha ses larmes sous les baisers. Puis il lui prêcha l'énergie et l'indifférence pour sa maîtresse. « Tu naïs et sottes, dit-il. La vie est une lutte, et chacun y combat égoïstement pour soi et les siens. Crois-tu que ta maîtresse t'aime jusqu'à te sacrifier quelque chose ? Elle te chasserait, si tu avais le malheur de lui déplaire. Te cédera-t-elle son fiancé ? Non, n'est-ce pas ? Pourquoi lui céderais-tu le tien ? » Et il endormit ainsi la conscience de cette malheureuse fille. Du reste, comment se serait-elle dégagée de l'impasse où elle était ? Elle portait des bijoux volés. Elle était la maîtresse d'un voleur. Il tenait dans ses mains son honneur de jeune fille. On ne résiste pas à un homme si fortement armé et qu'on aime. Puis, un malheureux incident survint qui désaffectionna Léonie. Elle se prit à haïr Fernande pour un mot qui la blessa cruellement. Comme toute fille qui aime, elle avait un irrésistible besoin de questionner sur son mariage. Elle amena la conversation sur ce sujet en coiffant sa maîtresse. Fernande avait coutume de dire ce qu'elle pensait. Or, Stéphane ne lui plaisait guère. C'était un beau garçon, soit, mais il lui paraissait que ce hussard se donnait des airs prétentieux. Après avoir tourné longtemps autour de la question et l'avoir préparée, Léonie la posa. « Comment, mademoiselle, trouve-t-elle mon fiancé ? » demanda-t-elle. « Léonie, vous vous mariez, donc vous aimez ce jeune homme. Mon opinion ne doit pas vous intéresser, » dit Fernande. « Je vois, » fit Léonie en se pinçant les lèvres, que mademoiselle a mauvaise idée de monsieur Stéphane. Je n'ai pas dit cela. Oh, je devine ce que vous pensez. Puisque vous me poussez, Léonie, il faut bien que je vous dise ma façon de voir. Je n'aime pas le regard de votre monsieur Stéphane. Il a de si beaux yeux, pourtant. Je ne nie pas cela. Mais le regard est faux, sournois et menaçant. Si mademoiselle connaissait Monsieur Stéphane comme moi, elle le jugerait mieux. Je souhaite me tromper, dit Fernande. Seulement, j'ai bien peur que vous ne vous repentiez de vous être laissé séduire par cette tête de coiffeur juif. Le peigne trembla dans la main de Léonie. Elle frémit d'indignation. Tête de coiffeur, tête de juif. C'était une double et mortelle insulte à son idole. Toute la pitié qu'elle avait pour Fernande tomba devant cette offense.